Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un boulet de 48, un produit de 1804. Voici une pièce à multiples personnages et à comédien unique. Unique, ça c'est certain. Qui vous fera comprendre le sacrifice d'Iphigénie en Tauride. Une belle fille qui se transforme en belle-mère, un mari qui est le beau-père de son beau-père et gendre de son gendre aussi, et réciproquement. Des unions maudites dont bientôt on bénira le fruit. Nous ne sommes pas dans une pièce antique, loin de là, nous sommes chez La Biche. Et dans l'émission de Michel Polac, Lecture à une voix, diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale, le 22 décembre 1961. Les suites d'un premier lit. Comédie en un acte d'Eugène Labiche. Personnage. Trébuchard, 29 ans. Prudenval, propriétaire à Reims. Picoiseau, capitaine d'infanterie. Blanche, fille de Trébuchard, 48 ans. Claire, fille de Prudenval, 18 ans. Ragufine, bonne chez Trébuchard. Le décor, un salon, au fond à gauche, une porte, fenêtre ouvrant sur un balcon et donnant sur la rue. Deux autres portes latérales, une cave à liqueur sur un petit guéridon, gauche, chaise, fauteuil. Ragufine, seule en scène, est en train de balayer la terrasse du balcon au fond. Là ! Bien, bon, bah allez ! Encore, comme les autres jours ! 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14 bouts de cigare sur la terrasse ! Eh ben, il se gêne guère, le voisin du second. Trébuchard sortant de sa chambre à gauche. Bah, qui en as-tu? Qu'est-ce qu'il y a, Ragufine? Monsieur, il y a 14 bouts depuis ce matin. 14? Hier, ce n'était que 13? Ça augmente. Ah ça, mais ce chinois-là prend-il mon balcon pour un plancher de tabagie? Je vais lui parler, moi. S'élançant sur le balcon et appelant vers l'étage supérieur. Monsieur! Capitaine! Capitaine! Voix de Picoiseau. Eh ben, quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, vous êtes militaire et je respecte beaucoup l'armée. Et je vous prie de ne pas jeter vos bouts de cigares sur ma terrasse. Pourquoi ça? Comment pourquoi ça? Il est charmant. Parce que c'est malpropre. Ça m'incommode. Flanquez-les dans la rue. Non! Ça pourrait tomber sur des militaires. Alors, il faut que je les reçoive, moi? Ah ben, je vous trouve joli. Vous n'êtes pas le seul. Un autre bout de ses cigares s'écrase. Aïe, encore un, ça fait 15. Oh, alors. Trébuchard furieux. Capitaine, ramasse-les. Je vais les porter à l'instant même au commandant de la première division militaire. Vous m'ennuyez. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que vous l'ennuyez. Est-il encore là? Non, il est rentré. Il a bien fait. Ragufine. Monsieur Trébuchard. As-tu religieusement suivi mes instructions? As-tu clandestinement préparé ma valise? Oui, monsieur, elle est là, dans votre porte. Bon, et Blanche, ma fille, elle est encore couchée? Non, monsieur, elle m'a déjà campé une gifle à ce matin. Alors? Bah, à cause que son corset voulait pas se joindre. C'est vrai, elle épaissit beaucoup. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Elle dessine sa tête de Romulus. Ça l'a fait soupirer, comme ça. Oh. Ah, elle est amoureuse de Romulus. Oui. La semaine dernière, c'était de Bélisaire. Faut-il l'avertir que monsieur va partir pour Reims? Non pas, Saprédier. Je lui crierai de là-bas. Ça m'épargnera les embêtements, les adieux. Mais vous ne l'emmenez donc pas? Non. Et vous venez de nous laisser toutes seules? Elle va me taper. J'en suis sûr, elle va me taper. Défends-toi. Sans compter que mamselle est peureuse quand vous n'êtes pas là. Oh, je peux pourtant pas la mettre dans mon gousset, une fille de 48 ans. Je reste bien tout seul, moi, j'en ai que 29, moi, son père. Oh, la voici. Voici mademoiselle. Trébuchard a peint. Tant pis, si, tant pis. Bonjour, papa. Papa. Tch. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle. Est-ce que vous êtes fâchée contre moi? Mais non, ma fille, ma chère enfant, non, comme c'est agréable. À la bonne heure, embrassez-moi. C'est que je voulais vous demander... Quoi ? La permission de sortir. Voilà tout, mais allez, sortez tant que vous voudrez. Allez, allez. Comment ? Vous ne me demandez même pas où je vais ? Mais je m'en fiche, moi. Non, enfin, je... Et où allez-vous, mademoiselle, s'il vous plaît ? Au marché aux fleurs. Chercher des tulipes pour mes vases. Ah, très bien. Allez, allez chercher des tulipes, tirant sa montre. Je vous donne 5 heures. Vous ne m'accompagnez pas ? Impossible, une affaire de la plus haute importance. J'attends mon tailleur. Et c'est pour ça ? Je comprends, je vous importune. Je vous suis à charge. Mais non, je ne dis pas cela. Mais si je vous aime, vous avez un moyen bien simple de vous débarrasser de moi. Ouais, lequel ? C'est de me marier. Ah oui, comme c'est facile. Allez donc offrir ça. Après ça, je ne peux pas lui dire, bien sûr. Je ne peux pas lui dire. Eh bien, plus tard, nous verrons, nous chercherons. Égoïste ! Moi, je vois votre calcul. Vous voulez me garder. Moi ? Oh, sapristi. Bon, allez, allez, allez chercher des tulipes. Allez, Ragufine vous escortera. Une bonne ? Vous me confiez à des mains mercenaires ? Mais il n'y a pas de danger. Oh, si ! Les hommes sont si téméraires. Oui, ben allez, prenez votre châle, votre chapeau. Mais papa... Je le veux. Elle me fera manquer le chemin de fer. Blanche mettant son châle et son chapeau. J'obéis. C'est mon devoir. Brusquement à Ragufine. Marchez, lourdaude. Elle la gifle. Oh. Oui, mademoiselle. Adieu, papa. Adieu, adieu. Vous ne m'embrassez même pas. Oh, au fait, il l'embrasse. Crénon. Blanche sort. Trébuchard seul. Eh ben, vous avez vu l'objet, hein ? Voilà. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça, votre fille. Oui, monsieur. J'ai 5 minutes, permettez-moi de vous raconter cette lamentable histoire. Je suis né de parents riches, mais crasseux. J'ai étudié à Paris la médecine et le carambolage depuis 5 ans. On ne sait pas ce que coûtent ces 2 sciences jumelles. Un beau matin, je résolus pour la première fois de ma vie de faire ma caisse. Opération solennelle qui me présenta tout d'abord un passif de 9 832 francs 75 centimes. Quant à l'actif, je le néglige. 2 pipes de terre, 1 cahier de papier à cigarette et pas de tabac. J'allais me recoucher, on frappe 3 petits coups à la porte. Entrez. C'était la veuve Arthur. Limonadière très mûre que je payais depuis 6 trimestres en œillades électriques, dont elle me rendait la monnaie. Oh, fichu monnaie. « Monsieur Trébuchard, me dit-elle avec une palpitation que j'attribuais d'abord à mes 115 marches. « Monsieur Trébuchard, je viens d'acheter toutes vos créances. »« Ah, ben c'est une excellente opération. Depuis longtemps, vous avez porté le trouble dans mon cœur et je viens vous offrir ma main. Oh. »« Christ !»« Certainement, mère Arthur, ce serait avec plaisir, mais je ne me marie pas, je suis chevalier de Malte. » Alors, je me vois dans la nécessité, me répondit-elle, de vous mettre à Clichy. Comment ? Ma main ou Clichy ? Me voilà donc à Clichy. Avec mes 2 pipes de terre, mon papier à cigarette et toujours pas de tabac. Le premier mois se passa assez bien, j'apprivoisais les araignées, je composais des quatrains féroces contre la veuve Arthur. Le second mois, l'absence prolongée de toute espèce de tabac me fit faire des réflexions. Après tout, me disais-je, cette femme-là n'est pas si mal. Elle est grande, elle est brune, elle est sèche, en lui défendant de se décolleter. Alors je pris la plume et je lui écrivis ce billet fade. Mon ange, je ne peux pas vivre plus longtemps sans tabac. Mon amour est à son comble, dépêchez-vous. 8 jours après, nous étions mariés. 2 ans après, ma femme remonta vers les cieux. Enfin, du moins, je me plais à le croire. Je respirais fortement. J'étais libre. Ah, ben oui. Ma défunte m'avait légué une grande diablesse de fille d'un premier lit, qui a 19 ans de plus que moi, qui m'appelle papa devant les dames, et qui grogne du matin au soir pour que je la promène. Me voyez-vous sur le boulevard avec cette machine-là à mon bras, enfin? Impossible de l'embêter, dépêtrer. C'est un boulet. Un boulet de 48. Elle a 48 ans, juste. J'ai voulu la marier à un de mes amis. Il m'a flanqué un coup d'épée. Il était dans son droit, je l'avais offensé. Enfin, si sa maturité ne nuisait qu'à son établissement. Mais elle m'a déjà fait craquer 7 mariages. Dès qu'on me voit, il n'y a qu'un cri. Oh, il est très bien, ce jeune homme. Oh, oh. De belles dents, de l'esprit et des cheveux. Je présente ma fille et patatras. L'exhibition de ce produit de 1804 fait tout manquer. Aussi, cette fois, j'ai agi avec une duplicité infernale. J'ai manigancé un petit mariage loin d'ici, à Reims. Je n'ai pas soufflé mot de mon infirmité. On me croit veuf, mais sans enfant. Et samedi prochain, j'épouse sournoisement Mademoiselle Claire Prudenval. Une jeune personne charmante dont je raffole. 18 ans de l'innocence et pas de premier lit. La noce doit se faire à Reims. Le père, une agréable brute, voulait consommer la chose à Paris. Mais je m'y suis véhéantement opposé. Ma satanée moutarde s'est encore venue se mettre en travers. Tandis qu'une fois mariée, je lui envoie une lettre de faire part et je la prie de me laisser tranquille. Elle a la fortune de sa mère. Alors, hein, regardant sa montre, bigre, je vais manquer le chemin de fer. Vite, ma valise. Il remonte vers le fond. Voix de Prudenval. Merci, Parthier. Merci, nous y voilà. Trébuchard, cette voix de Mirliton. Il court, regarde au fond et revient frayé. Sapristi, ce sont eux. Ma future et son père. J'étais sûr que ce vieux maniaque me jouerait quelque tour. Sapristi. Bonjour, Trébuchard. Bonjour. Et le voilà lui-même. Bonjour, mon gendre. C'est moi et ma fille. Mon père, mademoiselle. Heureusement que l'autre est sorti. Je voudrais bien poser mes paquets. Nous arrivons de Reims. Oui, ben j'y partais. Alors partons. Ah, maintenant, puisque nous voilà. Je voudrais bien poser mes paquets. Claire. Vous ne nous attendiez pas. Ah, ça, j'avoue que... On dirait que vous êtes fâché, hein? Fâché, oh non, non, non, mais enfin, nous étions convenus. Ah ben, effectivement, effectivement, mais voilà la chose. Ma fille, conte la chose à ton futur. Non, vous. Non, et Blanche qui va rentrer. Vous savez bien que je suis malade. Non, ma foi, non, non. Ah, mais si, je vous l'ai dit lors de vos 3 voyages à Reims. Oui, c'est possible, ça. Oui. Enfin, tant mieux, quoi. Comment? Tant mieux. Ah, non, tant pis. Figurez-vous que quand je mange, et même quand je ne mange pas, je sens là, hein, et puis là. Et dites-moi quoi? Hein? Vous n'en savez absolument rien. Ni ma fille non plus, ni mon médecin non plus, ni moi non plus. Non. Oui, alors ma fille m'a dit... Claire, hein? Il faut aller à Paris pour consulter. N'ai-je pas bien fait? Mais comment donc? Vous n'avez que de bonnes idées. Petite bête, va. Nous ferons d'une pierre deux coups. Je consulterai et nous célébrerons la noce à Paris. Hein? Ce sera charmant. Oui, ce sera charmant. Vous voudrez bien poser mes paquets. C'est facile. Je vais vous conduire à l'hôtel des Trois Pintades. Les Trois Pintades? Mais du tout. Du tout, non. Nous logeons chez vous. Chez moi? Non, mais pourtant, si cela vous gêne... Non, me gêner, mademoiselle, j'allais vous en prier. Ça va bien, et cette grande cathédrale qui va rentrer. À propos, mon gendre, j'ai à vous gronder. Vous êtes un sournois. Moi? Oh, oui, alors... Non, nous avons pris nos renseignements. Pourquoi nous avoir caché que vous aviez une fille dans votre première hyménée? Hein? Trébuchard, Blanc, ça y est. Oui, oh, mais ça, c'est un détail, je l'avais oublié. Non, mais il n'y a pas de mal à ça. Ça ne sera pas un obstacle. Certainement pas. Tiens, ils prennent bien la chose. Ma fille et moi, nous adorons les enfants. Où est la petite? La petite, eh ben, oh, elle dort. Est-elle sevrée? Oh, un peu, on est en train de... Oh, combien de dents? 1804. Non, je me trompe. Je me disais aussi, 1804 dents à cet âge-là. Je veux l'embrasser dès qu'elle sera réveillée. Oui, mais certainement. Je lui ai brodé un petit bonnet avec une ruche. Oh, comment? Vous avez eu la bonté de... Il n'entrera pas. Et moi, de mon côté... Oh, vous avez aussi brodé quelque chose? Non, je lui ai rapporté un petit bonhomme de pain d'épices de Reims. Oh, que c'est aimable, du pain d'épices à cette grande chadraque. Nous jouerons ensemble. Je lui apprendrai à envoyer des baisers. Ce sera ma poupée. Trébuchard à part, Christy, je boirais bien un verre de kirsch. Alors, je voudrais pourtant bien poser mes paquets, moi. Bon, ben, venez par ici. Voici votre appartement. À Claire, en la débarrassant de son ombrelle et de son chapeau. Mademoiselle, permettez-moi de vous conduire. Prudenval, seul, cherchant à ramasser ses paquets. Je vais être grand-papa. Tout de suite. Pauvre petite. Je la ferai sauter sur mes genoux. J'adore les enfants. Jusqu'à 6 ans, après c'est insupportable. Entre par le fond, Blanche. À la bonne. Mais doucement donc, Godiche. Mais craignez point. Ah, une dame. Non. Un monsieur. Tic-sac-sa. Prudenval. Madame demande monsieur Trébuchard. À qui ai-je l'honneur? Non, ce n'est pas moi, madame. Je suis Prudenval, de Reims. Plaît-il? Quoi, donnez-vous la peine de vous asseoir, je vais l'appeler. Trébuchard! Trébuchard! Ringuffine, portez ces fleurs dans ma chambre, voulez-vous? Sa chambre? Elle est de la maison? Trébuchard! C'est sa mère, sans doute. Il y a le nez. C'est la mère. L'autre, c'est la nourrice. Trébuchard. Vous m'appelez Blanche, patatras. J'ai apporté 3 pots de réséda. Bah, tant mieux, parce que le réséda, c'est... Oh, mon Dieu, c'est elle nommée. Psst. Elle est très bien, madame, votre mère. Ma mère? Ah, mais j'ai deviné tout de suite. J'ai été guidé par le nez. Ah oui. Rentrez, Blanche, rentrez. Quel est ce monsieur? Un ami intime, mon tailleur. Psst, présentez-moi. Hein? Moi, mais à qui? À madame, votre mère. Ah oui. Monsieur... Les boutons de son dernier gilet. Hein? Non, rien, non. Alors, présentez-moi. Oui, mon Dieu, quel cauchemar. Ma chère Blanche, je te présente monsieur Prudenval de Reims. Allez, rentrez, Blanche, rentrez. Enchantée, madame. Madame? J'ai apporté des joujoux pour la petite. La petite? Les grands-papas et les grands-mamans peuvent se donner la main, hein? Il tend la main à Blanche, Trébuchard la lui serre. Quoi? Non, c'est une maxime. Non, madame, peut-on vous offrir une prise? Monsieur! Non, mais rentrez donc, Blanche, rentrez donc. Mais quel mystère. Monsieur? Madame, hein? Elle a encore de très beaux vestiges. Trébuchard, oh, que j'ai chaud, mon Dieu, que j'ai chaud. Vous ne m'aviez pas parlé non plus de madame votre mère? Vous croyez ou un détail? Ah, très bien. Joue-t-elle le whist? Oh, comme un turc. Oh, charmante femme. Ah ça, mon cher, je vous laisse. Je vais faire ma barbe pour aller consulter une lumière de la faculté sur ma singulière affection. Hein? Il va sortir, bravo. Et figurez-vous, mon ami, que quand je mange, et même quand je ne mange pas, oui, ben c'est ça, c'est très grave. C'est, ah oui, ça m'inquiète beaucoup. C'est par là, n'est-ce? Oui, tout au fond. Allez, mes respects à madame votre mère. Ce soir, nous ferons un whist. Et je lui parlerai de ma maladie. Ah oui, c'est ça, ce sera charmant. Allez, par le front. Un whist, que le diable l'emporte. Mais ça ne peut pas durer longtemps comme ça. Ils vont me redemander à voir la petite. Et quand je leur présenterai une nourrissonne de 48e année, voilà encore mon mariage flambé. Ça fait 8. Mais enfin, que faire? Si je pouvais la marier à un voyageur, à un courrier de la Malle, de l'Inde, je dirais, ben oui, c'est vrai, j'ai une fille, une vieille fille, mais elle se promène dans l'Hindoustan, c'est un cheveu blanc qui court le monde. Je ne l'ai plus, je me suis épilé. On n'aurait rien à répondre à ça, malheureusement, je ne connais pas le courrier de la Malle, moi. Oh, sapristi, sapristi. À ce moment, une pipe tombe sur la terrasse et se brise. Oh non, non, une pipe culottée. Oh, crébleu. C'est l'ensemble des... Ah ça, monsieur, mais avez-vous bientôt fini de jeter vos pipes sur ma terrasse? Mais pourquoi mettez-vous votre terrasse sous mes pipes? Non, mais ça, il est empaillé, ce militaire. En voilà un oiseau, il grogne toujours. Capitaine, pas de gros mots, vous m'ennuyez. Malhonnête. Tu vois, si je pouvais lui jouer un mauvais tour, lui jeter un moellon sur la tête. J'ai trouvé. Blanche. Mais voilà mon moellon! C'est l'encens sur la terrasse. Capitaine! Capitaine! Quoi? Capitaine, voulez-vous me faire le plaisir de descendre? Est-ce pour un coup de sabre? Mais non, non, non, j'ai à vous faire une communication de la plus haute importance. Attendez que j'allume ma bouffarde! Oui. C'est une idée superbe. Un militaire, ça voyage, ça change de garnison. On les envoie en Afrique et même plus loin. J'ai trouvé mon courrier, moi! Picoiseau paraissant à la porte du fond avec sa pipe. Pantalon blanc, capote sans bouton d'uniforme, ni épaulette. De quoi s'agit-il? Entrez donc, capitaine. Capitaine, croyez que je suis désolé de la petite altercation. On les accepte. Après. Il n'a pas l'air commode à entamer. En vous voyant fumer tant de pipes et de cigares, je me suis dit, ah, voilà un officier français qui doit bien s'ennuyer à sa fenêtre. J'attends Corinne. Ou l'Italie. Non, une piqueuse de boutonnière de bretelles. Satané capitaine, mais comme père, je dois l'ignorer. Serviteur, il remonte. Un instant. À quoi encore? Je voulais vous demander, êtes-vous marié? Non. Très bien. Votre régiment est-il pour longtemps à Paris? Nous partons dans 15 jours pour Oran. Qu'est-ce que ça vous fait? Quelle chance. Capitaine, peut-on vous offrir une chope de bière? Non, la bière, ça m'empâte. Je me suis mis au rhum. Mais justement, j'en ai. Vrai Jamaïque. Ah, mais il est très caressant, ce petit. À votre santé. Et aux dames. C'est étonnant comme votre physionomie me plaît. Votre rhum aussi. Dites donc, j'ai envie de vous marier. Moi. Cornichon. Ça ne mord pas. Une demoiselle charmante qui dessine. Je m'en fiche. Qui tape du piano. Je m'en fiche. 100 000 francs de dot. Je m'en... Christy. 100 000 francs. Ah ça... Est-ce que vous avez envie de faire poser l'armée française ou... Ah non, non, non, parole d'honneur, comment... Comment, je pourrais épouser 100 000 francs, moi? Eh, peut-être. Martin, je lâche Corinne. Non, vous ne tenez pas, je pense, à une extrême beauté. Dame... Non, vous ne tenez pas, je pense, à une extrême jeunesse. Ah, je vois ce que c'est. Vous voulez me faire épouser un laidron, hein? Ah non, mais non, mais non, non, non, non, un profil grec, antique, spirituel, et puis 100 000 francs, quoi, hein? Crébleu. Voyons la petite. Oui, ben, ce n'est pas précisément une petite. Elle est grande, tant mieux. J'aime les femmes de haute futaie. Corinne a 6 pouces. Comme père, je dois l'ignorer. Ah, ça dit non. Vous me proposez 100 000 francs à une jeune fille? Non, une demoiselle, ne confondons pas. Précisément. Il n'y a pas de gabegie là-dessous? Non, capitaine. Très bien. Du moment que c'est garanti, je vais la chercher. Éteignez votre pipe, Paul. Pourquoi ça? Vous comprenez, une première entrevue. Ah, c'est juste. Corinne la tolère, elle, la pipe. Chut. Ne parlons pas de Corinne, comme père, je dois l'ignorer. Suffit, on sera roués. Trébuchard entre dans la chambre de Blanche. Piquoiseau seul. Christy. En voilà une particularité. 100 000 francs. 5 000 livres de rente et ma solde. J'ai le moyen d'avoir 2 enfants. J'en mettrai un dans le notariat, l'autre dans la cavalerie. À moins que ce soit une fille. Alors je mettrai le premier dans la cavalerie et le second dans... Non, ça va pas encore. La petite m'aura vu fumer des cigares à mon balcon, ça l'aura allumé. Il revient pas, le bourgeois. Ah, il y a longtemps que je n'ai vu les militaires, ça me prive. Trébuchard, en amenant Blanche par la main. Tiens-toi à droite et mets-toi de profil. Tu gagnes 50% à être vu de moitié. Piquoiseau à part. La voici. Il lisse sa moustache et prend une pose séduisante. Trébuchard. Capitaine! Il va me flanquer un second coup d'épée. Piquoiseau à part. Déchirons la cartouche. Bel astre, mon cœur ardent. C'est ça? Ah, crénon. Ah, crénon. Oh là là là là. Mais remettez-vous. Je vous présente Mademoiselle Blanche, ma fille. Sa fille. Fichtre, dites donc. Vous avez commencé de bonne heure. 100 000 francs. Dites-lui quelque chose d'aimable. Oui, oui. Mademoiselle, croyez que certainement... Oh, je peux pas. Je peux pas, elle est trop mûre. Ça, je peux pas, mais... Trébuchard vivement à Blanche. Non, mais il est ému. Je vais parler pour lui. Blanche, le moment est venu où j'ai dû songer à vous établir. Ben, il est en retard. Et voici ce brave capitaine... Votre nom, Piquoiseau. Ouais. Voici ce brave Piquoiseau. Oh, le joli nom. Qui n'a pu maîtriser ses sentiments... Minute. Non, c'est un homme rangé qui ne sort jamais de chez lui. Il est toujours à son balcon. La pipe, le sourire sur les lèvres. Sourire de l'espérance. Oui, minute. Il sort verse du rhum et boit. Regarde-le. Il attend avec angoisse une réponse qui va décider du bonheur de toute sa vie. T'es quelle platine. Capitaine. Les volontés de mon père sont toujours sacrées pour moi. J'accepte. Oh, bonheur. Tu viens d'entendre, il dit « Oh, bonheur !» Et moi, permettez, j'ai rien dit du tout, moi. Faites votre demande maintenant, les chaud. Voilà, c'est que... C'est... Fichtre, crénon de crénon. Dites franchement, quel âge a-t-elle? 100 000 francs. Oui, ma solde, crébleu. Adieu, allez. Allons, bel astre. Certainement, le respect vénérable et les charmes, si majeurs, font que j'ai l'honneur. Oh non. Non. Je demande à réfléchir. Ah, non. Comment? Non, mais il est ému. Mais où allez-vous donc? Faire une partie de billard avec des militaires. Je vous l'offre. Oui, je l'accepte. Il est ébranlé, je ne lâche pas. Blanche, seule et venant s'asseoir rêveuse à droite. Il est bien, ce capitaine. L'air distingué. Une barbiche. Toute la tête de mon Romulus. Prudenval sort de sa chambre avec Claire. Il tient des jouets d'enfant et un grand bonhomme de pain d'épices. Claire tient à la main un petit bonnet d'enfant. Rien. La petite doit être réveillée. Nous allons lui offrir notre cadeau. J'ai mon petit bonnet. Blanche, à part. Encore ce monsieur? Oh, ah, c'est la bonne maman, ma petite Claire. Hein? Elle est très forte au whist. Je vais te la présenter. Madame! Monsieur? Quelle rage a-t-il de m'appeler madame? Peut-on vous offrir une prise? Merci. Voici ma fille. Ah, mademoiselle. Ma fille, Claire Prudenval de Reims, la future. Plaît-il? La future. La future de qui? Eh bien, de monsieur, votre fils. Je n'ai pas de fils, monsieur. Claire et Prudenval. Comment? Comment? Je suis demoiselle. Ah ben, je vous demande pardon, nous vous avons prise pour la grand-mère. La grand-mère? Ben, excusez, une erreur bien naturelle. Malhonnête. Dites-moi, madame, la marmotte est-elle réveillée? Quelle marmotte? Elle comprend rien, cette femme-là. Hein? Elle comprend rien du tout. C'est quelque chose. La fille de Trébuchard, mon gendre. Sa fille? Mais c'est moi, monsieur. Ah! Par exemple! Comment la marmotte, c'est vous? Ah, diable. Ah, bigre. Ah, sapristi. Oh, c'est trop fort. Mais moi qui vous ai apporté un petit pain d'épices. Il mord dedans. Et ma fille qui vous avait brodé. Quoi? Claire mettant vivement le petit bonnet dans sa poche. Rien. Oh, c'est bizarre, vous paraissez plus vieille. Non, enfin, moins jeune que monsieur votre père. Oh, de très peu, vous savez. Enfin, de si peu que ce soit, c'est toujours bien extraordinaire. Je suis d'un premier lit. Ah, c'est donc ça. Tout s'explique, ma petite Claire. Oh oui, c'est bien agréable, ça. Vraiment, c'est bien agréable. Mais j'y pense. Vous allez être la fille de ma fille? Moi? Ah, oh, je ne veux pas, moi. Madame, puisque tu épouses son papa, tu ne peux pas te dispenser d'être sa maman. Sa maman? Oh, c'est très curieux, hein? Nous le ferons mettre dans le journal de Reims. Ah oh, ben, il ne manquerait plus que ça, par exemple. Oh, midi, je vous laisse. Je cours chez mon médecin. Adieu. Papa, je sors avec toi. Non. Tu me gênerais pour ma consultation. Je compte entrer dans des détails. Cause, faites connaissance, causez toutes les deux. Mais papa... Mais puisqu'elle va être ta fille, causez, hein? Inutile. Blanche à part, regardant Claire. Est-ce que papa m'aurait donné une marâtre? Claire éclatant. Ah, c'est trop fort. Monsieur Trébuchard s'est moqué de nous. Il nous a dit ce matin qu'on était en train de la sevrer. Oh, c'est fini, c'est fini. Et sitôt que papa rentrera... Trébuchard entre par le fond sans apercevoir. Impossible de décider ce capitaine. Il demande encore 10 minutes de réflexion. Ah, vous voilà, monsieur. Oh, mademoiselle Claire. Eh bien, êtes-vous installée? Pas pour longtemps, monsieur. Ah, oh, c'est trop petit. Ah non, au contraire, monsieur, c'est trop grand. La chambre? Non, non, monsieur, autre chose. Je viens de voir votre fille. Oh, sacrebleu, la gamine a jasé. Vous comprenez, monsieur, que je n'ai pas envie de m'entendre appeler maman par une grande femme de cet âge-là. Mais soyez tranquille, je suis en train de la caser à Oran. Comment? Non, je m'occupe activement de la marier. La marier, c'est ça, pour que je devienne grand-mère. Précis, j'y avais pas songé. Non, j'en suis bien fâchée, monsieur, mais notre mariage dans ces conditions est tout à fait impossible. Mais que faire? Je n'en sais rien, mais ce qu'il y a de certain, c'est que je ne vous épouserai pas avec une pareille fille. Ça, non. Enfin, je ne peux pourtant pas la supprimer. Ah, ça ne me regarde pas. Je vais mieux retourner à Reims. Enfin, mademoiselle, je vous en prie. Non, monsieur, non, jamais. Elle entre vivement dans sa chambre. Jamais. Me voilà bien. Ah, oh, je comprends le sacrifice d'Iphigénie en Tauride. Ah, ça vient. Nous n'y sommes pas ici. Nous n'y sommes pas. Et c'est prohibé par les règlements de police. Malheureusement. Oh, cette fille majeure ne me lâchera donc pas. Au bout du compte, elle ne m'aide rien. Elle est du lit, Arthur. Je suis étranger à ce meuble, moi. C'est qu'il n'y a pas à dire. Hein. Claire s'est prononcée. Elle n'en veut pas comme fille, ça. Blanche ne peut pourtant pas être sa mère. Sa mère? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Prudent Val est veuf. Il n'en a pas le droit. D'ailleurs, j'ai besoin de lui. Il n'y a que lui de possible. Il faut que mon beau-père devienne mon gendre. Comment, ça, je ne le sais pas, mais il le faut. Ça, le voici. Oh, mon ami, je n'en puis plus. Oh, oh. Mais qu'avez-vous donc? Je suis indigné. Je viens chez mon médecin. Eh bien, un homme qui met sur ses cartes consultation de midi à 2 heures. Trébuchard à part, comment l'attaquer, mon Dieu, comment l'attaquer? Je sonne, un domestique paraît. Où est ton maître? Il est parti pour Amiens depuis dimanche. Dire qu'il faudra rendre ça amoureux, mon Dieu. On ne se moque pas du monde comme ça, comprenez-vous? Et maintenant, je suis forcé d'attendre la demain. Pendant ce temps-là, ma maladie fait des ravages. Enfin, Trébuchard, vous ne connaîtriez pas une lumière de la faculté qui ne soit pas à Amiens? Trébuchard, putain, si je pouvais... Oh, je vous offrirais bien mes faibles talents, mais la confiance ne se commande pas. Comment? Vous savez la médecine? Non, oh, il me demande si je sais la médecine. Je l'ai creusé 9 ans. 9 ans, je l'ai creusé. J'ai failli être reçu dentiste, d'ailleurs. C'est vrai? Mais vous me l'aviez dit à l'époque de vos 3 voyages à Reims? Non, je m'occupe surtout des maladies, des maladies vagues. Ah, bah, précisément! Ma maladie est extrêmement vague. Figurez-vous que quand je mange, et même quand je ne mange pas, c'est... Oui, ça, c'est très vague, c'est très vague. Voyons le pouls. Voilà. Il tire la langue. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? À Reims, on commence toujours par là. Ah oui, oui. Trébuchard, tirant sa montre, lui tapant le pouls d'un air doctoral. De la fréquence, de l'intermittence, et même un peu d'indolence. Oh, ça problème. À quel âge vous êtes-vous marié? À 29 ans, 9 mois et 16 jours. Ah, oh, mauvais. Ah, j'ai toujours cru. Le mariage ne me réussit pas. Ah non, ne dites pas ça! Ne dites pas ça! Entre nous, Madame Prudenval était une excellente femme, mais elle me contrariait toujours. Elle m'agaçait, cette pauvre amie. Aussi, j'ai juré de ne jamais me remarier de mon vivant. Vous avez juré? Non, ça tombe bien. Vous allez peut-être me trouver un peu indiscret. Non, mais allez, ne craignez pas de me faire des questions. Quand vous vous trouvez dans un salon près d'une jolie femme, quel sentiment éprouvez-vous? Moi? J'éprouve le besoin de faire un whist. Ah. C'est tout. Ah, exactement. Ah, mon compliment. Il est bien froid. Permettez que je vous ausculte. Il l'ausculte en appliquant sur la poitrine de Prudenval les doigts réunis de la main gauche en frappant dessus de petits coups secs. Eh ben, vous voyez quelque chose? Non, tout. Je vois tout. Oui. Ah, alors voyons. Mon ami, mon cher ami, du courage. Hein? Comme dites-vous? Vous êtes atteint d'une complication chronique du péritoine. Du péritoine? Où est-ce situé? Partout. C'est bien ça. Mais le remède, il y a un remède. Sur 8 malades, j'en ai perdu 10. Et le 11e? Le 11e? Oui, le 11e, je l'ai sauvé. Comment? Non, vous ne voudrez pas. Non, si, mais je vous dis si. Non, c'est une médecine de cheval. Non, mais... Ah, quelque chose d'amer. Oh, mais... Très amer. Je l'ai marié. Flan, allez, tant pis. Oh! Ça prolote! Il prend vivement sa canne et son chapeau et remonte en courant. Mais où allez-vous? À Reims! Prendre médecine! Comment? Mais je ne connais personne ici. Chut, j'ai votre affaire. Ah va, mais qui ça? trébuchard allant au-devant de Blanche. Approchez, ma fille. Bas, Blanche. Tiens-toi à droite et mets-toi de profil. Blanche, le moment est venu de vous marier. Est-il possible? Mais mets-toi de profil. Blanche, voici l'époux que je vous destine. Il s'efface. Blanche et Prudenval se regardent à recul en jetant un cri. Ah! Oh! Trébuchard, tableau. Il est trop vieux. Allez, dites donc, c'est bien amer, hein? C'est bien amer. Je vois que toutes les convenances y sont, hein? Non, arrêtez, monsieur. Je suis sensible à la recherche d'un galant homme. Mettre notre union est impossible. Ah? Oh, bah. Blanche? Il existe d'autres engagements avec un officier. Ah bon, ça va très bien, très bien. Ça va très bien. Mais du tout! Mais votre santé, malheureux vieillard, votre santé, y pensez-vous? Ah oui, c'est vrai. Le capitaine Piquoiseau est un coureur, Blanche. Un coureur qui a des intrigues avec une Corinne piqueuse de bretelles. Vous le calomniez! Et puis, un militaire, ça voyage. Hein, tu serais séparé de moi, oh mon enfant. Papa, je vous écrirai. Mais il ne t'aime pas, il ne reviendra pas. Oh que si, mon cœur me dit qu'il reviendra. Mais ton cœur radote. Piquoiseau chantant dans la couille. Arrosons-nous la dalle, la dalle, la dalle. Arrosons-nous la dalle. Oh, le voici. Que le diable l'emporte. Les mêmes plus Piquoiseau. Ça y est, je suis décidé. Vous refusez? Non pas. 100 000 francs, un lingot d'or. Mademoiselle, bel astre. Capitaine. Trébuchard vivement la tournant vers Piquoiseau. Mets-toi de face. Mets-toi de face. Piquoiseau effrayé en la voyant. Oh. Oh. Oh non. Oh non, on me blaguerait trop, c'est pas possible. Il va à la bouteille de rhum et s'en verse un grand verre. Oh! Prudenval, qu'est-ce qu'il a dit? Blanche, vivant. Bien. Monsieur Prudenval, voici ma main. Ah, oh, mademoiselle. Peut-on vous offrir une prise? Avec plaisir. Enfin, j'ai lancé mon boulet. Claire paraissant au fond. Venez, papa, retournons à Reims. Laissez vos paquets, Claire, laissez vos paquets, tout est arrangé. Blanche. Oui, maman. Encore? Non, ma petite Blanche, non. C'est ma fille qu'il faut dire. Ma fille. Mais que signifie? Je vous présente Madame Prudenval. Vous n'en vouliez pas pour enfant, je vous l'ai donnée pour mère. Comment, papa? Pardonne-moi, ma fille, c'est pour mon péritoine. Trébuchard, bah, Prudenval, mais taisez-vous, mon gendre. Son gendre, oh, quel drôle de micmac. Trébuchard, bah, Claire, dites donc, c'est elle qui sera grand-mère. Je ne comprends pas. C'est juste. Dites donc, vous, Agufine arrive à Piquoiseau. Dites donc. Piquoiseau lui pinçant le manteau. Chut! Toi, viens me voir! Rideau. C'était Lecture à une voix, une émission de Michel Polac. Robert Hirsch lisait et interprétait tous les rôles de la pièce d'Eugène Labiche, Les suites d'un premier lit. Première diffusion sur la chaîne nationale le 22 décembre 1961. Vous pourrez réécouter cette pièce ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture.